les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le temps qu'il fait, ne va pas s'arranger. Le temps qui passe, lui, ne passe pas pour tout le monde de la même façon. Pour les héros de papier, de bande dessinée donc, le temps ne passe guère. Les héros ne meurent pas et, dans certains cas, non seulement ils survivent à leur créateur grâce à notre lecture, grâce aux rééditions, mais aussi grâce à de nouvelles aventures déclenchées par d'autres créateurs. C'est le cas, comme on le sait, pour Black et Mortimer. Donc, le temps qui passe ne passe pas. Mais le temps qu'il fait, là, pas d'amélioration à attendre. La météo ne va pas s'arranger à Paris, en banlieue parisienne, en France, en Europe. Il s'agit de SOS Météore, feuilleton radiophonique diffusé pour la première fois sur France 2 et dont voici les épisodes 5, 6, 7 et 8. Nicole Strauss et Jacques Langey ont adapté et vous présentent en exclusivité... Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météore, cinquième épisode. Le professeur Labrousse reçoit son vieil ami, le professeur Mortimer, chez lui à Jouy-en-Josas. Le voyage de ce dernier a failli mal se terminer et, au cours de la soirée, l'éminent météorologue et son ami anglais échangent leurs opinions sur les perturbations atmosphériques qui provoquent en Europe de véritables catastrophes. Le journal télévisé montre même des bandes d'actualité particulièrement alarmantes et, en conclusion, la photo d'une curieuse boule de feu. En se retirant dans sa chambre, Mortimer émet une hypothèse qui ne laisse pas d'inquiéter Labrousse. Mais, comme le professeur pénètre dans la pièce, une violente bourrasque ouvre brutalement la fenêtre, tandis qu'une étrange lueur envahit la chambre. Regardez, Mortimer, regardez! Cette boule de feu dans le ciel! C'est extraordinaire! Ça y est, elle a disparu. Ah, par exemple... Ça, alors... Alors, mon cher Labrousse, que diagnostiquez-vous? Hallucination ou... Je ne sais plus. C'est ahurissant. Mais décidément, je crois qu'un peu de repos ne nous fera pas de mal. Vous avez vu, exactement semblable à la photo que nous avons vue à la TV. Oui, oui. C'est troublant. Très troublant. Fatigués nerveusement par les événements de ces dernières heures, les deux savants se couchent et cherchent le sommeil. La nuit passe, reposante, surtout pour Mortimer, et le lendemain matin, nous assistons à son petit lever. Ah, la pluie a cessé, ça nous changera un peu. Ce n'est pas encore le printemps, mais enfin, c'est moins mal. Je parie que ce brave Labrousse n'a pas fermé l'œil de la nuit, lui. Entrez, mon cher, entrez. Votre thé est prêt. Merci. Alors, Labrousse, j'espère que le petit phénomène météorique d'hier soir ne vous a pas empêché de dormir. Ma foi, votre bizarre suggestion aurait bien suffi à elle seule à me tenir éveillé. Ah, je suis désolé. Et je peux connaître le résultat de vos méditations nocturnes? Eh bien, venant d'un autre que vous, j'aurais considéré pareille idée comme une simple fumisterie. Oh. Mais vous n'avez rien d'un petit sauteur. Ah, thank you. Tiens, qui peut venir à cette heure? Facteur, peut-être. Non, il est déjà passé. Oh, eh bien, nous verrons bien. Alors, vos déductions à propos de ma théorie? Eh bien, je crois qu'effectivement, vous avez raison. Ah. Monsieur. Qu'est-ce que c'est, Catherine? Les gendarmes, monsieur. Ils demandent à vous parler. Ah, bien. Faites-les entrer, Catherine. Bien, monsieur. Entrez, messieurs. Pourvu qu'ils ne nous apportent pas une mauvaise nouvelle. Bonjour, monsieur le professeur. Monsieur. Monsieur. Bonjour, brigadier. Que puis-je faire pour vous? Connaissez-vous un certain Philippe Mortimer, sujet anglais? Bien sûr, c'est monsieur, ici présent, un ami. Que lui voulez-vous? Veuillez me donner votre passeport, monsieur. Mon passeport? Volontiers, voici. Merci. Mortimer, Philippe, profession, parfait. Tenez, Jusserand, vérifiez votre tour. À vos ordres, brigadier. Il est un peu détrempé, je vous prie de m'en excuser, mais je l'avais sur moi hier soir et j'ai pris un bain forcé. Ouais, dans les étangs de la jeunesse, peut-être. Ah, ça? Ouais. Reconnaissez-vous avoir pris le taxi 6125 BD78 piloté par Ernest Brisson? Écoutez, là, vous m'en demandez beaucoup, brigadier, mais chaque fois que l'on prend un taxi, je ne pense pas qu'on se montre trop négligent en ne relevant pas son numéro. Par contre, le chauffeur se prénomme bien Ernest. Oui, brigadier, Ernest Brisson, que j'avais envoyé à Versailles pour prendre mon ami. Oui. À quelle heure êtes-vous arrivé ici, chez le professeur Labrousse? Il devait être... Je vous en prie, monsieur le professeur. Oui, il devait être environ 21h45. Mais enfin, pouvez-vous me dire... Un instant. Voulez-vous me dire ce que vous avez fait entre 19h et 21h45? Enfin, brigadier, que signifie... Je vous écoute, monsieur Mortimer. Soit. Avec Ernest, nous avons pris la direction de Jouy-en-Josas. Peu après, à la suite d'ennuis de génératrice, les essuie-glaces se sont calés et les phares ont flanché. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et Ernest est alors parti chercher du secours. Seul? Seul. Seulement, comme il tardait à revenir, je suis allé au-devant de lui. Je suis tombé à l'eau et le courant m'a entraîné. Enfin, j'ai pu regagner la terre ferme et retrouver une route, mais j'étais complètement perdu. J'ai stoppé un camion qui m'a recueilli et nous étions alors au loge en Josas. Ah oui. Et comment le savez-vous, puisque vous venez de me dire que vous étiez perdu? Je l'ai demandé au chauffeur du camion, bien sûr. Oui. Bon. Et après? Après, c'est tout. Le camion m'a déposé devant la porte du professeur Labrousse. Et maintenant, brigadier, consentirez-vous à nous expliquer le motif de cet interrogatoire? Le motif, monsieur le professeur, est que le taxi a été retrouvé ce matin au fond des étangs de la jeunesse. Mon Dieu, Ernest! Et le chauffeur? Une équipe s'emploie à sonder les temps, mais jusqu'à présent, aucune trace de votre chauffeur. Le pauvre Ernest serait-il tombé à l'eau? Labrousse, mais c'est impossible. Sa voiture était arrêtée au bord de l'étang, bien calée. Comment expliquer qu'elle se trouve maintenant immergée? C'est précisément ce que l'enquête devra établir. En attendant, je conserve votre passeport et je vous prie de ne pas vous éloigner d'ici. Comment, brigadier? Dois-je comprendre que mon ami est suspect? Mais c'est absurde, voyons. Je réponds de lui. N'insistez pas, Labrousse. Le brigadier fait son devoir. Enfin, messieurs, puis-je au moins savoir où en est l'enquête? Tout ce que je puis vous dire, c'est que le parquet de Versailles est sur les lieux en ce moment. Voilà. Excusez-moi. Au revoir, messieurs. Messieurs. Au revoir, professeur. Ah, c'est un comble. Mais ça ne se passera pas comme ça, Mortimer, je vous l'affirme. Je vais immédiatement téléphoner au ministre. C'est un ami personnel. Non, n'en faites rien, je vous prie. Il est beaucoup plus urgent que je parle au juge d'instruction. Avez-vous votre voiture? Elle est chez le garagiste, mais elle doit être réparée maintenant. Je m'habille et nous partons. Bon, d'accord. Cette affaire commence à me passionner. Malgré leur impatience, les deux hommes n'arrivent en vue des étangs de la jeunesse que trois quarts d'heure plus tard. Oh, quelle route! En temps normal, ce n'est déjà qu'un chemin de terre, mais avec ces pluies, c'est devenu un véritable bourbier. Tiens, là-bas, il y a du monde. Nous allons nous garer ici. Tenez, vous voyez, il y a un camion grue qui sort la voiture. Attention, vous mettez les pieds. Quel cloaque! C'est curieux, Labrousse. Quoi donc, mon ami? J'aurais juré que la berge était plus abrupte que ça. Oh, vous savez, la nuit, tout semble différent. Ah, un gendarme. Hey, gendarme! Oh, monsieur le professeur. Bonjour. Bonjour. Pourrions-nous parler au juge d'instruction? Je regrette, tous ces messieurs viennent de repartir pour Versailles. Oh. God damn it. Je regrette. Voulez-vous que je vous conduise là-bas? Réflexion faite, non. Pas pour l'instant, du moins. J'ai mieux à faire ici, je crois. Ah, et quoi donc? Mais j'aimerais, par exemple, examiner les environs et surtout retrouver le déversoir et le conduit par lequel j'ai été entraîné. Eh bien, je vous suis. « Mortimer inspecte la rive avec attention, mais il semble de plus en plus déconcerté. Enfin, les deux hommes arrivent dans un petit sous-bois en bordure de l'étang. Non. Décidément, je ne reconnais rien. Enfin, je ne reconnais rien excepté le taxi de ce pauvre Ernest. Ah, c'est à désespérer. Mais marchons encore? Tiens, une voiture dans le virage. Et en plein milieu du chemin. Ah, mais ne manque pas de toupet, et en plus c'est un sens unique. Je me demande qui ça peut être. Les officiels sont repartis. Puis de toute façon, ils ne circulent pas en américaine. Vous avez raison. Celle-ci est une Ford, dernier modèle. Oui, une custom, oui. Bel engin, mais bien encombrant. Un de mes voisins de Paris en possède une semblable. Et quel problème pour se garer. Le propriétaire de celle-ci est du genre casse-cou. Voyez dans quel état il a mis sa calandre et son phare. Oh là, Bruce! Qu'avez-vous? 28, 78, CL, 75. 28, 78, CL, 75, ce numéro. Eh bien? Il se termine comme celui de la custom qui a provoqué l'accident rue Royale hier soir. Je vous ai raconté. Vous êtes sûr? Oh, certain, la Bruce, certain. J'ai l'impression que la région est curieusement fréquentée. Oh, attention, Mortimer! Ah! Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor. Avec Jacques Morel, Mortimer, Jean Ozen, Labrousse, Geneviève Morel, Catherine, Gaëtan Jor, le brigadier, Nicolas Amato, un gendarme. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, sixième épisode. Depuis son arrivée dans la région parisienne, le professeur Philip Mortimer n'a que des ennuis. Il est maintenant l'hôte de son ami, le professeur Labrousse de la Météorologie nationale, et ça ne s'arrange pas. La curieuse disparition du chauffeur de taxi qui avait amené l'anglais à Jouy-en-Josas inquiète la police, et elle retient même le passeport de notre ami. Enfin, Labrousse et Mortimer vont explorer les environs des étangs de la Genest, dans lesquels le taxi d'Ernest a été retrouvé. Peu après, Mortimer croit reconnaître sur le chemin la mystérieuse voiture américaine qui, déjà à Paris, a provoqué un accident et s'est enfuie. La coïncidence le frappe, mais il n'a pas le temps d'approfondir la question. Un énorme dog jaillit des buissons et se précipite sur lui. Attention, Mortimer, attention! Allons, arrière, toi, vas-tu, sale bête! Attendez, je vais essayer avec mon parapluie. C'est un drôle de bouclier, hein? Oui, ce n'est qu'un parapluie, mais voyez, le chien hésite maintenant. Nous allons marcher à reculons jusqu'à ce qu'il consente à nous lâcher. Ça va être du sport sur ce chemin boueux. Sans doute, mon ami, mais il importe de ne pas tourner le dos à ce monstre. Allons. Un dog de Bordeaux, dirait-on, et mal embouché. Non, mais regardez ses dents et ses yeux. My lord, il a dû être dressé à chasser l'homme. Et il nous suit. Elvis! Ah, enfin. Ici, Elvis, couchez! Oh, dis donc, vous pourriez pas tenir votre fauve en laisse, non? Et vous? Vous pourriez pas aller rôder ailleurs, non? Ah, mon ami, changez de ton, s'il vous plaît. Comment vous laissez en liberté cet animal capable d'égorger des promeneurs et vous... Ah, ça va! Et si nous portions plainte à la police, hein? À la police? Laissez-moi rire. Oui, vous ririez peut-être un peu moins si elle vous demandait comment vous avez cabossé si joliment la vente de cette voiture américaine, hein? Qu'est-ce que vous dites? Un sale mouchard! Je vais t'apprendre à te mêler de ce qui te regarde. Bon, pas. Sois des gardes, mon Timon. Un poignard. Allez, allez, essayez d'en approcher, voyou. Moi, je vous enseignerai les beautés de la boxe anglaise. Allez, venez. Ah, tu l'auras cherché. Bon. Bon, vous avez de la chance. Enfin, ça suffit. Mais venez plus ennuyer les honnêtes gens, hein. Ça vaudra mieux pour vous. Ne manquez pas d'un certain humour. Allez, venez, mon Timon. Cet homme est un sauvage de la pire espèce. Décidément, depuis mon arrivée, il se passe des choses bizarres. Oui, c'est vrai. Par exemple, que pensez-vous de ce coup de sifflet qui a stoppé net notre agresseur? Bien, je pense que cet endroit est un peu trop fréquenté pour poursuivre notre enquête. Allez, retournons à la voiture. Quelques minutes plus tard, nos deux amis ont regagné la traction avant du professeur Labrousse. Cette route est à sens unique. Nous allons rentrer par où, au Buc et les bois de la jeunesse. All right. Mais quel damné chemin. Cet endroit, c'est sinistre. Oh, vous ne diriez pas ça à la belle saison. C'est alors une vraie cohue. Les Parisiens qui viennent s'oxygéner un peu, les pique-niqueurs, les amoureux, les troupes de scouts, enfin, tous les amateurs de bon air et de verdure. Oui, je vois. Quant à ce chemin, même en ce moment, il a un avantage. Il nous conduit tout droit aux loges en Josas où le camion vous a recueilli après votre bain nocturne. Eh, mais c'est l'homme au chien là-bas. Et toujours avec son cerbère. Oui, oui, il n'y a pas de doute, mais il est à pied. La Ford, alors, c'est curieux, ça. Nous allons le dépasser. Il nous a vus, et son chien aussi, on dirait. Pas aimable, ces deux-là, non? Cette fois, il le tenait en laisse, c'est pas trop tôt. On n'a pas idée de lâcher une bête de cette humeur. Mais vous avez l'air songeur. À quoi pensez-vous donc? Je me demande depuis tout à l'heure si ce chien n'est pas celui dont j'ai entendu la voix cette nuit, après le départ d'Ernest. Hein, vous croyez? C'était les mêmes aboiements et... Enfin, autant que j'ai pu en juger, le même timbre. Oui. Bon, mais après tout, qu'est-ce que ça prouve? Rien, évidemment. Enfin, rien encore. Tiens, voici l'entrée des loges où vous avez stoppé votre camion. Really, c'est drôle, mais je n'avais pas l'impression d'avoir fait un si long chemin depuis les étangs. Dites-moi, à propos de votre voisin de Paris. Celui qui possède une Ford? Oui. Est-ce qu'il a un chien? Non, du moins pas à ma connaissance. Ah, bon. Mais qu'y a-t-il, mon bon? J'espère que vous n'allez pas faire de rapprochement entre votre aventure et un monsieur inconnu simplement parce qu'il possède lui aussi une grosse Ford bleue. Non, mon cher Labrousse, pas pour le moment, mais... Il y a quelque chose qui commence à se dessiner dans mon esprit. C'est encore vague, très flou. Je peux pas encore en parler, mais... Décidément, vous finirez par m'inquiéter sérieusement. J'aimerais que rien de plus grave n'augmente votre inquiétude. Bientôt, nos amis arrivent au domicile du professeur Labrousse à Jouy-en-Josas. Alors, Catherine, rien de neuf? Si, monsieur, un télégramme pour monsieur Mortimer. Ah, une convocation du juge d'instruction, sans doute. Tenez, monsieur. Thank you. By Jove! Mauvaise nouvelle? Au contraire, mon ami le capitaine Blake de l'Intelligence Service m'annonce son arrivée à Paris demain matin... Et me prie de l'appeler aussitôt que possible à l'hôtel Louvois, où il doit descendre. Ah, je serais enchanté de le voir. Bien sûr. Ah, j'aimerais lui parler de tous ces ennuis qui nous détournent de nos préoccupations scientifiques. Parce que quel que soit l'objet de sa mission, je suis sûr qu'il nous aidera. Sa compétence nous sera alors très précieuse. Et... Monsieur est servi. Bravo, Catherine. Nous passons à table immédiatement. J'ai une faim de loup. Et vous, Mortimer? Ah, cette promenade au bord des étangs m'a également mis en appétit. Je suis sûr de faire honneur au menu de Catherine. Alors allons-y et oublions un peu nos ennuis. Passez donc. Je vous en prie. Pardon. Une heure passe. Une heure de détente, mais dont les agréments culinaires n'ont pas fait oublier ses soucis à Mortimer. Oh, eh bien, Catherine s'est surpassée, mon cher. Oui, seulement il faut maintenant revenir aux choses sérieuses. Pourriez-vous me prêter de vieux, solides vêtements, une paire de bottes et une carte de la région? Oui, bien sûr, si vous y tenez. J'ai un costume de chasse qui fera votre affaire. Oui. Mais qu'avez-vous manigancé, hein? Patience, Labrousse, patience. Enfin, n'oubliez pas qu'une convocation à votre nom peut arriver d'un instant à l'autre. Oh, tant pis, mon cher Labrousse. Je n'ai pas le temps d'attendre les bras croisés. J'ai l'intention d'aller là-bas, faire une petite enquête. Ah, vous êtes toujours le même, Mortimer. Eh oui, il y a juste deux ou trois points obscurs à éclaircir. Et tous les juges d'instruction de la Terre ne m'en empêcheront pas. Comme vous voudrez, mais ne tardez pas trop. Non, rassurez-vous. D'autant plus qu'il pourrait bientôt neiger. Là, ce n'est plus l'ami qui parle maintenant, hein? C'est le météorologue. Les deux, Mortimer, les deux. Sérieusement, soyez prudent. Cette affaire s'annonce mal. Ne vous en faites pas. J'ai un peu de jugeote, l'œil vif, le jarret ferme et les poings solides. Ah, ce sont parfois des armes bien faibles. Allons, venez que je vous donne mon costume de chasse. Let's go! Vingt minutes plus tard, Mortimer, botté et en costume de chasse, pipe à la bouche, prend d'un pas allègre la route de Buck. Good luck, professeur. Et à bientôt. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Jacques Morel, Mortimer, Jean-Ozène Labrousse, Henri Djanik, Sadi, Geneviève Morel, Catherine. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean-Jus Forgue. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemay. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langer. Nicole Strauss et Jacques Langer ont adapté et vous présentent en exclusivité. Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 7e épisode. Vous vous rappelez que le savant anglais Philip Mortimer, intrigué comme son ami le professeur Labrousse par la détérioration du cycle des saisons et l'aggravation générale du temps sur l'Europe, a échafaudé une théorie très personnelle. Selon cette théorie, les perturbations atmosphériques, souvent génératrices de catastrophes, ne seraient pas dues aux fantaisies de la nature, mais au contraire, auraient un caractère voulu. Plusieurs faits troublants semblent étayer l'hypothèse de Mortimer, et celui-ci, décidant d'y voir clair coûte que coûte, part pour explorer les environs. La pluie diluvienne des jours derniers a cessé et il fait froid maintenant. Des nuages gris et bas semblent même annoncer de la neige. Ah, bonjour, monsieur. Tiens, monsieur Louis, par exemple. Je me disais aussi, cette silhouette, c'est le client d'Ernest. Ah, ben vous avez gagné. C'est moi qui étais dans le taxi l'autre soir. Je vous ai vu sortir de chez monsieur Labrousse. Ah. Si vous allez à Buc, je peux vous déposer. Oh, volontiers, merci. Ah, vous savez, monsieur, je suis content de vous avoir rencontré. Ah, quelle histoire! Les gendarmes m'ont tarabusté pendant plus d'une heure. Mais j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé la fameuse nuit où je vous ai trouvé en panne d'essuie-glace. Mais vous, monsieur, vous pourriez peut-être me dire, hein? Mais oh, c'est bien simple. Nous nous sommes d'abord égarés dans un chantier après avoir pris les deux lanternes rouges pour vos feux arrière. Ce n'est qu'en allant mettre le nez dessus que nous nous sommes aperçus de notre erreur. Ah, oui. Alors nous sommes remontés dans le taxi, nous avons roulé tant bien que mal. Puis enfin, nous avons à nouveau aperçu vos deux feux de position et nous ne les avons plus lâchés jusqu'au moment de l'accident. Oui, oui, oui, oui. Mais de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, voilà. Je remontais la côte vers les arcades de l'Aqueduc. Oui. Quand j'ai failli me jeter sur une bagnole arrêtée en plein dans le tournant. Juste au croisement des routes de Jouy et de Toussul-Noble. Tenez, nous y arrivons, justement. Voyez, nous passons là, sous l'Aqueduc. Oui, oui. Et alors là, voilà le virage. Ah, en effet, oui. Alors? Bah alors, un type à tête de gangster était en train d'examiner l'avant de sa voiture. Bah, j'ai stoppé. Je lui ai fait remarquer qu'il était dans un virage dangereux. Mais alors tout ça, hein, bien poliment. Mais alors le gars se met en colère, m'a gogné en anglais. Oh, oh, oh, pas commode le monsieur, hein. Un autre type dans la voiture l'a calmé. Et alors moi je suis reparti. Dites-moi, comment était cette voiture? Bah, c'était une grosse tire américaine. Un de ces trucs longs comme ça et plein de chrome partout là. Oui, oui, oui, je vois. Alors, j'ai alors repris la direction de Jouy, par l'arche de l'Aqueduc. Alors j'étais tellement furibard contre le gangster que quand je me suis aperçu que vous ne me suiviez plus, j'ai été à la ferme de Vroutin. Ah, bon sang, mais je comprends maintenant ce qui s'est passé, alors. Vous êtes parti vers la gauche et Ernest, arrivé sur ses entrefaites, a cru vous avoir rejoint, alors qu'en réalité, c'était les feux arrière de la voiture américaine. Hein? C'est elle que nous avons suivie en direction de Toussul-Noble. Oui, peut-être bien, oui, ça doit être ça, monsieur. Mais si vous voulez descendre à Buc, hein, on est arrivé. Merci, Louis. Hein? Oh, pensez donc. Si, si, merci pour les renseignements et pour la promenade. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Bon après-midi. Goodbye. Bon, Alors maintenant, ma carte. Voilà, il faut que je reconstitue le chemin parcouru par Ernest l'autre soir. Logiquement, je devrais retrouver le chantier par là. Alors, allons-y. Quelques minutes plus tard, Mortimer est devant le chantier dans lequel s'était embourbé le taxi d'Ernest. Aucun doute. Ce sont les deux lanternes qui nous ont égarés. Bon, alors il s'agit de procéder méthodiquement. Là-bas, c'est l'aqueduc. Il faut que j'aille jusqu'aux arcades en suivant la nationale 838. ...200 mètres d'une marche sportive et Mortimer se trouve au pied de l'aqueduc. Bon, alors d'après ce que m'a dit Louis, voici le tournant où stationnait la mystérieuse voiture. Juste en face du chemin vicinal qui conduit à Jouy. Oui, c'est ça. La dite voiture nous a entraînés par la nationale 838 jusqu'à la hauteur de l'aérodrome de Toussus. C'est là-bas que doit se situer le fameux virage où nous avons failli verser après avoir évité le chien. Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller vérifier. Mortimer obstinément tente de retrouver le fil conducteur de cette mystérieuse affaire. Enfin, il arrive à l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Bon, la nationale 838 à gauche, je la laisse. Ici, le chemin de Guyoncourt, c'est sans intérêt. Ah, voici notre route, la départementale 117, avec son angle droit. Oui, tiens, je me souviens de ce bâtiment, je l'ai aperçu dans l'obscurité. C'est ici qu'Ernest a accéléré pour attraper ce qui croyait être le fourgon postal de Louis. Alors, logiquement, c'est au bout de cette ligne droite qu'a bondi le chien. Eh, ben ça va, mon cher Mortimer. Vous êtes un excellent détective. Enfin, pour l'instant, vous êtes surtout un bon marcheur. Car, pour ce qui est des certitudes, des pièces probantes à verser au dossier, c'est plutôt maigre. Mais patience. Tiens, la route fait un coude devant cette propriété. Oh, et quel coude! Eh bien, nous l'avons échappé belle, parce qu'à la vitesse à laquelle allait Ernest pour attraper la voiture, nous aurions dû nous écraser contre cette grille. C'est curieux, mais je ne me souviens pas de ce brusque virage. Est-ce que je me serais égaré, moi? Enfin, longeons toujours cette propriété, nous verrons bien. Quoi? Mais c'est le chien des étangs de la jeunesse? Que diable fait-il derrière cette grille? Oh, puis lui aussi m'a reconnu, on dirait, hein? Mon ami, j'aime bien mieux qu'il y ait cette clôture entre nous, parce que vous semblez avoir un caractère impossible. Ouais, eh ben, décidément, je lui suis très antipathique. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette femme? Et pourquoi ricane-t-elle? Oh, quelle curieuse créature! Il est méchant, hein? Et il est... Ah oui, plutôt! On dirait aussi qu'il ne vous aime pas! Pourtant, je lui ai jamais fait de mal. Vous savez à qui il appartient, ce chien? Bien sûr! Vous voyez bien, je suis pour ainsi dire leur voisine. Entre la grille et ma bicoque, il n'y a que la route, alors forcément. Et puis moi, derrière mes volets, à moitié fermés, j'observe, je lorgne. Ben, vous lorgnez quoi? Ben, des choses. Il s'est arrêté, l'autre. Dis donc, madame, il n'y a pas beaucoup de distractions par ici, hein? Faut pas croire, monsieur. Il y a des maisons qui paraissent abandonnées et puis qui ne le sont pas. Hein? Faut pas se fier à l'eau qui dort. Vous êtes étranger, vous, hein? Je crois qu'il est difficile de le cacher, surtout quand je parle, hein? Et que venez-vous faire par ici? Oh, promenade. Je fais de la marche en fumant ma pipe. Ouais. Et votre carte, c'est pour ne pas vous égarer, sans doute. Exactement. Ouais. Moi, j'ai pas de conseil à vous donner, mais si vous m'en demandiez, je vous dirais, retournez d'où vous venez et ne faites pas aboyer les chiens sauvages. Les aboiements, ça peut être entendu comme un signal. Un signal? Ben oui, quoi. Un chien de garde, ça aboie quand les gens approchent, dans un sens. Il signale l'arrivée des importuns. Oui, et celui-là, ce chien de garde, il appartient à qui? Je vais vous le dire. Et puis après, vous partez, hein? Oh, je... Bon, eh ben, c'est promis, allez. Eh ben, son maître, c'est l'autre. Qui l'autre? Le garde du château de Troussalet. La propriété d'en face. Troussalet? Oui, de la manufacture, quoi. Ah, parce que c'est une manufacture? Mais une manufacture de quoi? Oh, oh. Qu'est-ce que vous avez? En face! Oh, bonne mère! Qu'est-ce qu'il y a en face? Par exemple, mais damn it, cet homme qui me guettait, on aurait dit le... Mais oui, j'en suis sûr, c'est l'homme au chien. Oh, Philip, my friend, éloignons-nous. D'abord pour tenir notre promesse à cette femme, ensuite pour ne pas inquiéter le maître d'Eblis, et enfin pour rassembler mes idées, moi. Ça, j'ai l'impression que cette propriété gagnerait à être visitée. En attendant, essayons de reconstituer notre itinéraire. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Jacques Morel, Mortimer, Jacques Muller, le postier, Jeanne Hervial, la femme au madras. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 8e épisode. Des menaces imprécises, des incidents curieux, des coïncidences inquiétantes, voilà les thèmes sur lesquels l'imagination du professeur Philip Mortimer doit faire des variations. Et il ne s'en prive pas, persuadé que tous ces éléments pourront bientôt être traduits en clair. Il a d'ailleurs fait part de ses inquiétudes à son ami le professeur Labrousse de la météorologie nationale. L'événement le plus inquiétant depuis le début de cette aventure est sans conteste la disparition du chauffeur de taxi Ernest, alors qu'il amenait Mortimer chez Labrousse dans la banlieue parisienne. Aussi, le savant anglais décide-t-il d'aller explorer les environs afin de retrouver l'itinéraire de ce pauvre Ernest. Alors qu'il longe la grille d'une propriété, Mortimer déchaîne la rage d'un chien de garde, un dogue énorme que notre ami reconnaît aussitôt. À ce moment, les volets d'une bicoque voisine s'ouvrent et une sorte de fée Carabosse interpelle le promeneur. Il apprend par elle que la propriété s'appelle Troussalet, que notre ami prononce d'ailleurs Troussalet, et que le propriétaire du chien n'est autre que le garde du domaine abritant la manufacture. Mais au moment où la vieille va faire d'autres révélations, une expression de terreur passe sur son visage et elle referme brutalement ses volets. Mortimer se retourne et, durant une seconde, distingue à travers une lucarne le visage de l'homme au chien rencontré la veille aux étangs de la Geneste. Soucieux, notre ami poursuit alors sa route. Ah, drôle de gens, décidément. Cette sorte de mégère. Et puis, c'est curieux, ça. Retrouver le chien, ce dog anthropophage et son maître justement sur la route que nous avons suivie l'autre soir. Oui, c'est curieux, vraiment. Mais, continuons nos investigations. Ah, voilà un autre tournant. Et très dur. Bon. Mortimer avance toujours. Observe, réfléchit, consulte sa carte. 300 mètres plus loin, il arrive à l'orée des bois de la Geneste. Ah, voilà encore un autre virage, le quatrième. Ici, c'est le chemin que nous avons emprunté avec Labrousse pour revenir des étangs. Bien. Seulement, ce qui m'étonne, c'est que l'autre nuit, nous n'ayons pas marqué ces quatre tournants. Et puis alors, d'ici aux étangs, il y a un bon kilomètre et demi. Donc, des arcades aux étangs, cela fait 3 kilomètres. Or, entre le moment où nous avons pris en chasse la voiture inconnue et celui du plongeon final, il ne s'est guère écoulé plus de 3 minutes. Alors, eh bien alors, il y a toute chance pour que notre accident ne se soit pas produit aux étangs de la Geneste. Oui, il me faut retrouver l'étang où je suis tombé et découvrir ceux qui ont eu intérêt à changer le taxi d'endroit en déplaçant du même coup le lieu de l'accident. Si par hasard il s'agissait d'un acte criminel. Tout à ses réflexions, Mortimer laisse errer son regard sur le décor désolé qui l'entoure. Le mur hostile du château manufacture, en face des maisons à demi en ruine. Oh là là, quelle ambiance pour un film de la série noire. Tout y est. Tout y est, sauf les assassins. Seulement ça. Qu'est-ce que... Oh, allons, pont, voilà la neige maintenant. Eh, la Beauce avait raison. Eh, tiens, ah, ces vieilles masures vont m'offrir un abri. Oh. Ah, voilà une vieille remise. C'est parfait pour l'instant. Ah, regardons la carte, s'il se trouve un autre étang dans les environs. Ah oui, seulement cette carte est au 100 000e, elle ne peut pas mentionner les très petites pièces d'eau. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait... Oh là là là là, quel bric-à-brac là-dedans! Une vieille échelle, une roue de charrette, des cordes, des instruments de jardinage... Ah, tiens, il y a une fenêtre, là. Voyons un peu. Mortimer jette un coup d'œil à travers les barreaux et sursaute tout à coup. À ses pieds, 4 mètres plus bas, une sorte de ruisseau en crue disparaît en grondant sous la maison. Mais c'est ici que le courant m'a entraîné après mon plongeon. Oh, Mortimer, Mortimer, tu n'as pas perdu ton temps. Alors, la voûte, les blocs de pierre, la brèche dans le mur. Oh, il n'y a pas de doute, c'est bien à cet endroit que je suis sorti de l'eau avant de regagner la route. Eh oui, c'est ici un déversoir dans lequel s'épanche le trop-plein d'un étang situé dans le parc de la manufacture. Oh, eh ben ça y est, je comprends tout. Enfin, presque tout. Parce qu'il reste à savoir maintenant pourquoi on a cru nécessaire de faire disparaître le chauffeur du taxi et de camoufler le lieu réel de l'accident. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? La police? Ah non, j'ai pas de preuves absolues. Puis ceux qui ont manigancé le coup sont assez fins pour avoir effacé toutes les traces. Alors, si j'allais... Oui, ça, je crois que c'est une idée. Trousse-allée, c'est là que je dois poursuivre mon enquête. Je serais bien étonné si je ne découvrais pas quelques petits secrets susceptibles de m'intéresser. Voilà, je vais remonter sur la route où j'ai fait de l'autostop. Parce que c'est bon, la brousse doit se morfondre d'inquiétude, il faut le rassurer tout de même. Et voilà, maintenant, en route pour Buc. Allô, c'est moi, Sadi. Et ça sent le roussi, je viens de voir le barbu à la pipe. Il rôde dans la propriété. Oui, c'est le cabot qui l'a repéré. Et le gars a parlé à la vieille folle de la bicoque. Est sûr, oui. Bah, à mon avis, il devait être dans le taxi hier soir. Comment? Bon, entendu. Ah, oh, quel temps, misère, quel temps! Ah, oh, un café. C'est bien français. Sur 6 maisons, il y a un bistrot. Bonsoir. Monsieur. La cabine téléphonique, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de cabine ici. Mais vous avez l'appareil au bout du zinc. Vous appelez directement. Bon, merci, ça ira. Ah, quel temps, hein? Oui, et croyez-moi, ça ne fait que commencer. Ouais, c'est charmant. Allô? Allô, la brousse, et c'est Mortimer. Au nom du ciel, rentrez, les gendarmes sortent d'ici. Qu'est-ce d'hier? Non, d'autres, et ils sont à votre recherche. Il faut que vous rentriez immédiatement. Ah, oh, je suis désolé, mon cher ami, mais il manque encore quelques petits renseignements. Juste le temps d'aller jeter un coup d'œil à l'étang de Trousalé, et je rentre. Où dites-vous? À Trousalé, et je... Damn it. Ah, allô. Bonsoir, brigadier. Bonsoir, allô, tout le monde. Mortimer. Allô, Mortimer. Que faire? Patron, qu'est-ce que je vous dois? 0,75. Fichu temps pour vous rendre, hein, brigadier. Ah, ça. Et qu'est-ce que je vous sers? Bon, comme d'habitude. Merci. Et alors, rien de neuf dans l'affaire du taxi? Non. Il paraît qu'on soupçonne le client, c'est tout ce que je sais. Des types comme ça, moi, j'aurais pas pitié. Oh, j'en sais assez, maintenant je file. Comme un voleur, Mortimer se glisse hors du petit café, puis il se hâte vers le haut buc. Eh ben, j'ai eu chaud. Oh, décidément, ça ne doit pas être drôle de se sentir traqué. Oui, seulement drôle ou pas, Mortimer, il faut retourner dans la remise. J'ai aperçu tout à l'heure une échelle et des cordes. C'est avec ça que je vais poursuivre ma carrière clandestine de hors-la-loi. Ah, avant de rentrer à Jouy, mon pauvre Labrousse, il faut que je sache ce qu'il y a derrière les murs de cette propriété si bien gardée. Avec un peu de chance, dans une heure, tout sera terminé. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Jacques Morel Mortimer, Henri Janik Sadi, Jean Ozen Labrousse, Clément Béram le patron de café, Jacques Bretonnière le brigadier de gendarmerie. Bruitage et imitation, Joé Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langet. Ces épisodes 5, 6, 7 et 8 ont été diffusés pour la première fois sur France 2 les 22, 24, 27 et 29 mars 1962. À suivre.